Chapitre 25e, coup de massue. Peu après, l'incendie du wagon ayant été éteint, les voyageurs furent distribués dans d'autres compartiments et le train se remit en marche, se hâtant pour gagner son retard. Dans le trouble, personne ne remarqua que plusieurs voyageurs ne remontaient pas dans la voiture. C'étaient les aides qui se faufilèrent dans la haie, attendant le départ du train pour procéder à l'enlèvement définitif de la caisse et à son chargement sur le camion automobile. Quand le train fut en marche, Gabriel passa dans le compartiment de son chef. « Les aides sont tous descendus, sauf un, » déclara Paulin Broquet. « Un, lequel ? Zigomar. » Gabriel regarda avec étonnement son chef. Paulin Broquet ajouta. « Zigomar voyage avec nous, pas dans le compartiment qu'il occupait, non. Il préfère nous tenir compagnie. Il est là, sous la couverture. Donnons-lui de l'air, il étouffe. » Paulin Broquet tira la couverture et Zigomar apparut, cramoisi, le sang aux yeux, semblant en effet à demi asphyxié. « Si tu ne fais pas le méchant, lui dit Paulin Broquet, si tu ne me dis pas de vilaines choses, si tu n'appelles pas, si tu ne fais pas de tapage, je consens à te retirer le bâillon. » Par signe de tête, Zigomar fit comprendre qu'il ne dirait rien. Paulin Broquet lui retira le bâillon. « Ah ! » fit le bandit, « on respire. » Gabriel demanda « Mais comment l'avez-vous pris, chef ?»« Comme un lapin, au collet. » Il était clair que Zigomar ne pourrait résister à la tentation de tuer Paulin Broquet, qui dormait comme une souche sur sa couchette. Seulement, dans le grand manteau de Paulin Broquet, sous sa couverture, dans la casquette, il n'y avait plus de Paulin Broquet. « Vous avez fait le coup du mannequin ?»« Tout bonnement. Moi, j'étais là-haut, dans le filet, comme un paquet. » Je me tenais à l'affût. J'avais placé un fil de laiton, comme un collet à lapin, autour de la petite fenêtre, du Judas en losange, et j'attendais patiemment. C'était par là seulement que Zigomar pouvait m'atteindre, tiré sur mon mannequin, car j'avais engagé un brave homme, une jeune femme, à ne pas quitter le couloir à cause du danger qu'il pouvait courir ailleurs. Il me gardait sans s'en douter. Ce que j'avais prévu, ce qui devait arriver, ne tarda pas à se produire. Zigomar, trop tenté, succomba à la tentation. Il me tira dessus. Il logea deux de ses balles infaillibles dans ma casquette. Mais il se prit à mon piège, et quand il voulut retirer sa main, elle était retenue par mon collet, par le fil de laiton. Alors j'ai attaché le fil de laiton, le collet, à la monture du filet. J'ai sauté à bas de mon filet, de mon poste d'affût. J'ai couru dans le compartiment de Zigomar. Le reste n'était qu'un jeu, et voilà. « Oui, » fit-il, « oui, c'est bien joué. » C'est réussi. Voilà un beau coup. Très amusant, mon cher Broquet. Pour celui-là, je ne puis que vous faire mes sincères compliments. Jamais braconnier n'a pris au collet lapin de cette taille. Je dois reconnaître que votre lapin a des oreilles d'âne. Compliments et recompliments. Excusez-moi si je ne vous serre pas la main. Puis, toujours souriant, il ajouta, « Dans tout cela, il est une chose qui seule me peine. Laquelle ?» demanda Paulin Broquet. C'est de vous voir fumer. Le tabac vous incommode ? Au contraire. Je vous demande quelque chose à fumer aussi. Cigares, cigarettes. J'ai dans ma poche d'excellents cigares, si vous voulez. » Paulin Broquet fouilla dans la poche du bandit et en tira un porte-cigare. Il prit un des cigares, en coupa le bout, puis le plaçant dans la bouche de Zigomar, il lui présenta l'allumette. « Si le cœur vous en dit, mon cher, » fit Zigomar, « à Gabriel aussi, ils sont à votre disposition. » Paulin Broquet et son lieutenant se contentèrent de leurs cigarettes, et les trois hommes continuèrent ainsi le voyage, causant le plus tranquillement du monde. Cela d'ailleurs inquiétait quelque peu Paulin Broquet. Il pensait « Zigomar me semble bien calme, bien tranquille, bien sûr de lui. Pourquoi ? » Autrefois il se défendait, luttait comme un démon pour sa liberté. Aujourd'hui qu'il est pris, que je le tiens, il sourit. Pourquoi ? Paulin Broquet chercha à en deviner la raison. Il ne la voyait pas. À 7 heures, se disait-il, Darling et Miss Eden sont en sécurité chez moi, dans ma maison de Neuilly. Si Zigomar est si tranquille, c'est qu'il l'ignore, c'est qu'il croit encore les tenir et pouvoir faire pression sur moi, en me déléguant la mère qui implorerait pour son enfant. Mais le coup de la pâtisserie a réussi. J'ai moi-même poussé Darling, les bons shippers, Miss Eden dans la voiture, dans l'ambulance que conduisait ma pipe, avec l'amorce, et un homme en dame en deuil. Alors ce ne peut être que cela. Zigomar a pris un de mes hommes et il compte me le proposer en échange. Mon homme contre sa mise en liberté. Paulin-Branquet crut que telle était la raison de la confiance de Zygomar sur l'issue de cette aventure. Humain et généreux, ne voulant pas que son ennemi, enfin réduit à l'impuissance, souffrit toute la nuit et ne put trouver un peu de repos, il s'arrangea pour lui permettre, sans défaire ses liens, de se coucher et de dormir. Lui et Gabriel, à tour de rôle, montraient la garde, veilleraient le prisonnier. Ainsi, l'on arriva à Marseille. En cours de route, Paulin-Branquet avait télégraphié. Une voiture pénitentiaire attendait à la gare. Zygomar y fut conduit, sans que personne sût qui était le prisonnier, qui étaient ses gardiens. Les gens qui y virent passer ces hommes crurent au transfert d'un malfaiteur ordinaire, et ne se doutèrent pas que devant eux défilait le roi des détectives Paulin-Branquet, et le roi des bandits, l'illustre Zygomar. On conduisit le prisonnier à la prison centrale, où une cellule spéciale lui fut attribuée, et Gabriel le surveilla, pendant que Paulin-Branquet baquait à ses occupations en ville, à la gare, sur les quais. À la gare, il fallut faire la constatation du vol, dresser un procès-verbal de la rupture des plombs du wagon qui avait contenu la caisse pleine d'or. Dans l'après-midi, Paulin-Branquet vint à la prison centrale rendre visite à son prisonnier. « Nous allons rentrer à Paris, » lui dit-il. « Nous n'avons plus rien à faire ici. Je viens de constater l'embarquement de la caisse d'or. J'ai le reçu de décharge de la compagnie dans ma poche. Maintenant, je n'en suis plus responsable. Cela regarde la Turquie. » En entendant ces mots pour la première fois depuis son arrestation, Zygomar cessa de sourire et tressaillit. « De quelle caisse ? » demanda-t-il. « De quelle caisse parlez-vous ? De la caisse d'or. Je l'ai prise. » Paulin-Branquet, à son tour, eut le sourire qui l'énervait chez Zygomar. « Oui. Vous avez très habilement pris une caisse dans le fourgon cadenassé, plombé. Ce fut très bien fait. Compliment, mon cher Zygomar, et recompliment. Seulement, dans cette caisse, il y avait du gravier. Hein ? » s'écria Zygomar en sursautant. « Du gravier ? Et un portefeuille, plein de journaux. Ce portefeuille que vous avez si habilement glissé sous le bras du fidèle Pascal, rue du 4 septembre. Je vous rends l'appareil. Ce n'est pas si mal, convenez-en. Mais la caisse d'or, la vraie ? Est-ce que vous m'avez cru assez bête pour donner dans cette idée merveilleuse d'un chef d'administration de la banque et me servir de cette voiture cellulaire, cependant ? Je vous ai cru trop malin pour que vous puissiez être abusé par ce stupide stratagème. Alors ? Alors, pendant qu'avec les précautions que vous connaissez, on emportait, sans d'ailleurs que la banque en sût rien, dans le panier à salade une caisse de gravier, moi, je faisais, sur un simple camion, transporter à la gare en même temps une caisse à piano. Cette caisse à piano contenait l'or. Je viens d'embarquer le piano. Le grand ou le petit turc pourra faire aller la musique. Zygomar pousse un cri de rage, un énorme juron. Paulin-Branquet, d'un geste railleur, salua ce juron. C'était l'énergique façon dont Zygomar, vaincu, reconnaissait son triomphe. Mais bientôt le bandit se redressa. « C'est bien. Contente-toi de ce succès. Maintenant à mon tour. » Il ajouta. « Maintenant, Paulin-Branquet, détache mes liens et rends-moi la liberté. » Paulin-Branquet regarda stupéfait son prisonnier. « tu es fou, mon garçon. Je n'ai plus maintenant aucune raison de ne pas te garder. Ton rôle est fini. On m'a traité de naïf, d'idiot, de maladroit. Chaque fois que je devais te laisser filer, tu sais pourquoi ? Oui. Aujourd'hui, fini, je te tiens, je te garde. Tu vas me laisser partir. Darling est chez moi, mais s'il donnait auprès de sa fille. » Zygomar partit d'un grand éclat de rire. « Quelle erreur, mon pauvre Broquet, quelle erreur ! C'est chez moi que se trouve Darling, et sa mère est également chez moi, dans une villa à moi, Zygomar, non à Neuilly, dans la villa de Paulin-Branquet. Où tu espérais les tenir hors de ma main ? » Paulin-Branquet frémissait. Zygomar, alors, malgré les chaînes d'acier qui entravaient ses mouvements, se redressa, railleur, superbe, et tout prisonnier qu'il était, se sentant le maître. « Oui, mon bon, tu es un malin, tu es fort, tu es habile, c'est entendu. Tu es le détective admirable, mais Zygomar n'est pas dans une musette. Qu'il revête ou non sa cagoule ? Oui ? Ton coup de la caisse à piano, c'est bien. Tu as sauvé le trésor, c'est parfait. Mais j'ai gardé un autre trésor, darling. Le coup de la pâtisserie, de la bagarre, tout ça, c'était très bien machiné. Quoique un peu volumineux, soit dit entre nous, pour un enfant. Mais la voiture d'ambulance était une voiture à moi. Mais la dame en deuil était bien la dame en deuil, la vraie, la belle Flore. Non, une voiture à toi. non un homme à toi déguisé en femme. Je l'ai dit à Miss Eden. Et au lieu de ma pipe au volant, de l'amour son homme de siège, c'est Tom Twig qui faisait sonner le timbre, et c'est moi qui menais la voiture. Reconnais que c'est bien travaillé aussi. Paulin Broquet ne pouvait maintenant douter de la véracité des paroles du bandit. Oui, tout cela devait être vrai. Miss Eden et Darling se trouvaient prisonnières entre les mains de ce forban. Paulin Broquet envisagea la situation et en comprit la gravité. Il vit l'inutilité de ses efforts, la ruine absolue de sa tentative, l'écroulement fatal de ses espérances. Tout était à recommencer. Son cœur battit à se rompre. La fièvre tenailla ses tempes et de larges gouttes de sueur coulèrent de son front. Une envie folle courut en ses veines de sauter à la gorge de cet homme, de ce misérable, et de l'étrangler net, de le tuer là, comme on abattrait un animal malfaisant. Mais la raison le retint. Son énergie, sa domination de soi-même, se manifestèrent de superbe façon. Il enleva sa casquette, épongea son front. Il alla s'asseoir dans un coin de la cellule, sur la chaise de paille. Tranquillement, il tira sa blague à tabac et se mit à rouler lentement une cigarette. Puis, se tournant vers Zigomar, il lui demanda en lançant au plafond une large bouffée de fumée. « Et alors ?»« Alors ?» répondit Zigomar. « Voici ce qui va se passer. » Car tu devines, n'est-ce pas, que ce n'est pas uniquement pour te montrer que je suis plus habile que toi que j'ai eu cette fantaisie de t'enlever Darling et ton adoré Miss Eden. J'avais des raisons sérieuses de le faire. Je voulais prendre des garanties contre un événement fatal qui pouvait se produire. J'ai, ma foi, été fort avisé en la circonstance, jusqu'à présent. Quand nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, si tu ne m'as pas gardé, c'est, paraît-il, parce que tu as affirmé, à je ne sais plus quel reporter, que tu redoutais des représailles qui attendraient Darling. Oui, tu es un homme doué d'un sens pratique extraordinaire et d'un flair merveilleux. Oui, je gardais Darling pour me protéger. C'est parce qu'elle espérait toujours conquérir Darling que Miss Eden me servait si bien contre toi, m'arrachait à tes mains. Miss Eden savait que tout ce que tu me ferais en mal serait reporté sur son enfant. Zigomar, après un court silence, reprit. Au moment de tenter cette aventure qui, dans mon esprit, devait être la dernière que nous aurions ensemble, j'ai dû, par prévision, par précaution, ne pas me séparer de Darling. Je l'ai reprise. Or, voici ce qui va se passer, comme je te l'annonçais. Quand mes hommes vont acquérir la certitude que je suis prisonnier, ils vont déléguer auprès de toi Miss Eden pour obtenir ma mise en liberté. Ce sera peine perdue, fit Paulin Broquet. Je te garde, je te garderai, malgré toutes tes prières et en dépit de toutes les menaces. Zigomar secoua la tête. Non, tu me laisseras partir. Jamais. Mais si, mon cher, mais si. Non. Zigomar haussa les épaules, puis reprit. Donc, Miss Eden viendra te demander ma liberté. Si tu ne cèdes pas à ses beaux yeux pleins de larmes, elle te dira que le lendemain, à la même heure, le supplice de Darling commencera. Le supplice de Darling, s'écria Paulin Broquet. Le premier jour, elle sera battue de verge jusqu'à l'évanouissement complet. Non, tu ne feras pas ça. Pas moi, puisque tu me garderas, mais mes aides. Tu ne laisseras pas toucher à cet enfant. Le second jour, elle recevra le fouet des Apaches anglais, et Darling sera marquée pour la vie. Misérable! Puis, à chaque jour de retard, elle endurera un supplice nouveau, jusqu'au feu dans les yeux, jusqu'à la garotte dont tu connais les douceurs. Et tout cela se passera sous les yeux de sa mère. Paulin Broquet n'y tint plus. Il bondit sur Zigomar et le saisit à la gorge. « Je vais te tuer, lâche » cria-t-il. « Tue-moi !» dit Zigomar en se débattant. « Mais en me tuant, tu assassines Darling et Miss Eden !» Ces mots coupèrent immédiatement l'élan de Paulin Broquet. Il ouvrit les mains, abandonna le col de Zigomar, et laissant retomber ses bras, plus entravés par ses paroles que ceux de Zigomar par les chaînes, il revint, tête basse, sentant mieux encore la puissance de ce bandit, s'asseoir sur la chaise de paille. Zigomar vit qu'il triomphait. Il ricana. « Moi, mon cher, je ne crains rien de toi. Cet accès de mauvaise humeur, fort compréhensible chez toi, ne pouvait être grave pour moi. La loi me protège. La bonne loi française me garde. Le code est le meilleur défenseur des hommes comme moi. Je suis prisonnier, bon. tu me dois de nombreux égards. Tu dois me traiter convenablement, avec douceur. Tu n'as pas le droit, toi, homme de la justice, de me bousculer, de me malmener, de me frapper. La loi s'y oppose, la belle loi humanitaire est sensible. Mais moi, bandit, je peux torturer à ma guise cet enfant, cette femme, les fouetter, les martyriser pour obtenir ce que je veux. Mon code à moi, Zigomar, n'est pas comme le tien, fait de longues palabres, de sensiblerie, de faiblesse dont les coquins profitent. Il est pratique, clair, rapide. La torture, le fouet, c'est excellent. Je te promets qu'après le fouet donné à Darling, sa mère saura trouver des mots qui feront fondre ta volonté. Tu me laisseras partir. Ou tu apprendras que la mère a tué sa fille et s'est suicidée pour faire finir le supplice. Paulin Broquet ne répondit rien. Il voyait que cet homme avait raison. Le bandit était le plus fort. Et lui, le serviteur de la loi, il se trouvait désarmé, alors que son ennemi employait les armes dont la loi avait peur de se servir pour la justice. Il quitta la cellule. Une chambre lui avait été réservée dans la prison centrale. Il alla s'y enfermer et il éclata en gros sanglots.